Spleen de Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org. Pluvieuse, irritée contre la ville entière, de son urne à grand flot vers une foie ténébreux, aux pâles habitants du Fassen cimetière et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat sur le carreau cherchant une litière agite sans repos son corps maigre et galeux, l'âme d'une vieille poète erne à la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente, et la bouche enfumée accompagne en fossette la pendule enrhumée. Cependant, quand un jeu est plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts. Fin du poème, enregistré par Casper Nyssen. Cet enregistrement fait partie du domaine public.